بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 52 dans l'explication de Kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'a, écrit par le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen avec les commentaires et le sharh du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. Donc il explique son propre livre, hein. Et on est arrivé à la partie où le Cheikh ابن عثيمين il dit ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني il cite le verset رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Donc le cheikh il dit et nous croyons que Allah est satisfait de ceux qui ont cru et qui font des bonnes œuvres. Et il cite le verset dans Surat al-Bayyinah, le verset 8: Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui, cela pour celui qui a craint son Seigneur. Et Cheikh Ibn Uthaymeen il explique ce passage en disant قوله ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذا إثبات الرضا السابق لكن السابق رضا الأعمال واللاحق رضا العامل ولهذا فصلناها وإلا فالصفة واحدة وهي الرضا إذن الله تعالى يرضى عن العمل ويرضى عن العامل. Donc le cheikh il explique que nous croyons que Allah est satisfait de ceux qui ont cru et qui font les bonnes œuvres, et ça c'est pour affirmer l'attribut de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a déjà parlé de ça dans les points précédents. On a expliqué qu'une parmi les attributs d'Allah, c'est que Allah yarda, hein, ar-rida, min sifatillah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des attributs d'Allah. Et qu'est-ce qu'on avait mentionné plus tard, hein, plus tôt, c'est-à-dire dans le cours passé, c'est l'agrément d'Allah pour yani, la personne qui faisait les œuvres. Maintenant, on parle de l'agrément d'Allah pour les actions. Et dans tous les cas, on parle de la même attribut, c'est toujours l'agrément, hein, c'est la même attribut. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne clairement qu'il est satisfait de ceux qui font les bonnes œuvres et qui ont cru, et qu'il est satisfait aussi de leurs œuvres et de leurs actions aussi. D'accord? Et donc, il dit ensuite, وَقَوْلُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ سَبَقَ أَنْ ذَكَرْنَا أَنَّ أَهْلَ التَّحْرِيفِ من الأشاعرة وغيرهم لا يؤمنون برضا الله عز وجل ويقولون إن المراد بالرضا هو الثواب أو إرادة الثواب وإنما قالوا إرادة الثواب لأنهم يثبتون الإرادة فيكون قوله تعالى رضي الله عنهم على كلامهم أثابهم يعني وقالوا أيضا الإنسان لا يرضى عن الله بل يرضى بالله فيكون معنى رضوا عنه أي عملوا له أي عملوا لطلب رضاه. Donc le cheikh il explique, il dit le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala explique dans surat al-Bayyinah, le dernier verset dans cette sura, ذلك لمن خشي ربه, Allah il dit qu'il est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et on a déjà mentionné au dernier cours que les gens de tahrif, les gens qui déforment et qui nient les attributs d'Allah, comme les Asha'ira et d'autres également, les Maturidiyya et autres, eux, ils refusent d'affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala tels que Allah s'est décrit lui-même. Et donc, au lieu de dire que Allah est satisfait ou qu'il agrée les œuvres et les gens qui font le bien et qui ont la foi, eux, ils disent non, ça ne veut pas dire l'agrément. Parce que l'agrément c'est une caractéristique humaine. Donc il refuse de l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala en craignant que cela implique une ressemblance entre le créateur et la créature. Et ils disent à la place de ça que al-rida ça veut dire la récompense d'Allah. Que quand Allah dit qu'il est satisfait de quelqu'un, ça veut dire qu'il va le récompenser. Et quand il est satisfait d'une action, ça veut dire qu'il va et qu'il veut récompenser cette action-là. Et donc le cheikh il dit, hein, que quand Allah dit dans le Coran « radiyallahu anhum » il est satisfait d'eux, selon leur signification selon la déformation des Asha'ira, ça ne veut pas dire qu'il est satisfait d'eux, mais ça veut dire plutôt qu'il les récompense, ou bien qu'il va les récompenser. Et donc, tout ça, c'est bien entendu des égarements de la part des Asha'ira et de ceux qui suivent leur méthodologie, puisqu'il faut affirmer ce que Allah a voulu. Quand il parle, il sait ce qu'il dit. Hein? Et si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu dire les récompenser, il aurait utilisé le terme pour mentionner la récompense. Donc s'il a dit l'agrément, c'est parce qu'il voulait parler de l'agrément. Le shaykh dit « Fa'in qala qa'il » ما علة الأشاعرة في نفي الرضا عن الله؟ قلنا علتهم في ذلك أنهم يقولون إن الرضا انفعال يعتلي الإنسان بحصول ما يناسبه، والله منزه عن الانفعال وعن الأفعال، ويقولون كلمة عجيبة وهي سبحان من تنزه عن الأبعاد والأغراض، عن الأبعاد والأغراض والأعراض. وهذه الكلمات إذا سمعها العامي صاح وقال سبحان الله سبحان الله فقولهم التنزه عن الأبعاد ينكرون به الوجه واليدين والقدم والساق لأن هذه أبعاد والأعراض جميع الصفات الفعلية فيقولون إن صفات الفعل عرض يزول فالإنسان يغضب ثم يبرد غضبه والله لا يغضب لأن هذا عرض ومثله أيضا الاستواء على العرش بعد أن لم يكن مستويا عليه وهذا عرض فهو منزه عنه فكل الأفعال الاختيارية عندهم فالله منزه عنها والأغراض أي الحكم فيقولون ليس فيه شيء معلل بحكمة إطلاقا ولا في الشرع ولا في القدر وإنما يفعل الله ما يشاء بدون حكمة وعلى رأيهم يجوز أن يفعل الله ما هو سفه نسأل الله العافية والرد عليهم أن نقول لهم ماذا تريدون بالأبعاد؟ هل تريدون أن الله سبحانه وتعالى ليس له بعض؟ فنحن نوافقكم على نفي اللفظ فلا نقول إن الله بعض إن الله بعض ولا نقول إن اليد بعض من الله سبحانه وتعالى بل نقول إن اليد بعض منا ولكن ننزه الله عن الأبعاد لأن ذلك يوهم معنى باطلا وهو أن بعض الشيء ما جاز انفصاله عن الشيء مع بقاء الشيء دونه فمثلا يمكن للإنسان أن تنفصل يده عنه ويبقى مع انفصالها وهل نقول إن يد الله تعالى يلحقها هذا الجائز أبدا لا نقول به ولهذا لا تجد في كلام علماء السلف أن اليد بعض من الله أو اليد بعض منه أو الوجه أو العين أو الساق أو القدم ونقول يد حقيقية تليق به سبحانه وتعالى ولا تماثل أيدي المخلوقين قط donc on va expliquer maintenant qu'est-ce qu'on a lu ici. Le cheikh, il dit, et la raison de la négation de l'agrément pour d'affirmer cet attribut-là à Allah, c'est quoi leur raison? Pourquoi ils refusent d'affirmer que Allah agrée et qu'il est satisfait? Eh bien, le cheikh, il dit, leur argument ou leur raison de la négation de cet attribut-là, c'est qu'ils prétendent que l'agrément, c'est une émotion. C'est une émotion humaine et que ça survient lorsque quelque chose vient en accord avec ce que tu aimes ou ce que tu veux. Et eux, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'émotion. Il n'a pas ce genre d'émotion là et ce genre d'action là ou ce genre de réaction là. Et donc, à cause de ça, ils refusent d'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé lui-même. Toutefois, comme on l'a déjà expliqué pour toutes les autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que si on affirme une attribut pour des créatures, c'est-à-dire pour les êtres humains, on dit à propos des êtres humains quelque chose et qu'on leur affirme une attribut, et que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il s'est affirmé la même attribut, il faut savoir qu'il n'y a pas de ressemblance entre la façon dont on l'affirme pour les créatures et la façon dont on affirme cet attribut-là pour le Créateur. Parce que le Créateur est parfait. Et donc, cet attribut-là, si chez les créatures ça implique une quelconque imperfection, eh bien, cette imperfection-là, elle n'est pas impliquée lorsque on l'affirme au Créateur. Et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans le Coran quand il dit « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir » C'est-à-dire, il n'y a rien qui lui ressemble, il est l'audient et le voyant. Donc on affirme les attributs à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se les est affirmés pour lui-même, sans toutefois impliquer ou dire qu'il y a une quelconque ressemblance entre le Créateur et la créature. Il n'y en a pas de ressemblance. Donc il n'y a aucune nécessité de nier l'attribut ou de déformer son sens. D'accord? Et il mentionne le fait que les Asha'ira et les gens de Ta'wil et de Tahrif, comme les Asha'ira, ils ont une parole qu'ils répètent. Et parmi ces paroles-là, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'ils disent que Allah est purifié d'avoir des parties, d'avoir des intérêts et d'avoir des... comment on pourrait expliquer, traduire ce terme? D'avoir des... Qu'est-ce qu'ils veulent dire, eux? C'est d'avoir des changements, hein? Des changements ou des mouvements. D'accord? Donc, si un musulman, n'importe quel musulman, entend ce genre de propos-là à propos d'Allah, c'est comme si c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Comment on peut parler d'Allah de cette manière? Donc, ces gens-là, ils n'ont pas de gêne dans leur façon de parler d'Allah et de dire ça à propos d'Allah, que Allah n'a pas de parti ou qu'il n'a pas d'intérêt ou qu'il n'a pas d'action ou de mouvement, hein? Et eux, ils veulent dire par là que Allah n'a pas de visage, n'a pas de main, n'a pas de pied, n'a pas de jambes ou des choses comme ça. Alors que ce sont des attributs qui sont affirmés par le Coran et la Sunna et qui sont authentiques. Sauf que lorsqu'on les affirme, nous, hein, on les affirme tels que Allah les a affirmés et tels que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a affirmés sans qu'il y ait aucune ressemblance entre le Créateur et la créature. De même que aussi ils parlent par, qu'est-ce qu'ils veulent dire par les mouvements? C'est les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait volontairement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a par exemple certaines actions qu'il fait, volontairement, et le Cheikh, il donne des exemples de ça. Donc par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a la colère comme attribut. Une de ses attributs, c'est la colère. Donc, ils disent que ça, on ne peut pas l'affirmer à Allah parce que l'être humain, lui, quand il se met en colère, c'est quelque chose qui arrive subitement et qu'après, il se calme et sa colère s'en va. Donc, ils disent, donc, c'est quelque chose qui vient et qui va. Donc, on ne peut pas l'affirmer à Allah. Hein? Puisque pour eux, il refuse d'accepter que Allah subhanahu wa ta'ala a des actions, hein? Puisque eux, ils pensent que le fait d'affirmer à Allah des actions, ça impliquerait une imperfection ou une ressemblance avec les créatures. Et donc ils refusent par exemple de dire qu'il s'est élevé au-dessus de son trône. Ils disent Allah n'est pas au-dessus de son trône, parce que si tu dis ça, ça voudrait dire que auparavant il ne l'était pas. Et donc ça voudrait dire qu'il y a eu un mouvement, hein, qu'il y a eu un changement. Et donc ils refusent d'affirmer ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc toutes les actions volontaires, ils les refusent. Donc on pourrait se demander alors dans ce cas-là, comment ils peuvent affirmer, hein, ou comment ils peuvent dire que Allah il a créé le monde, hein? Si on appliquait cette règle-là, même la création, ça fait partie des actions d'Allah. Au début, il n'y avait rien, hein, et Allah a créé la création. Hein? Donc, selon leur raisonnement, il faudrait non plus pas affirmer la création. De même que Al-Aghrad, ça veut dire quoi? Ça veut dire les intérêts, dans le sens, eux, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? La sagesse. Ils ne veulent pas affirmer une sagesse. C'est-à-dire que pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait quelque chose, ce n'est pas pour une sagesse, ce n'est pas pour une bonne raison. Eux, ils disent, Allah, il fait ce qu'il veut, même si c'est quelque chose qui n'est pas sage, même si c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Hein? Il peut ordonner ce qu'il veut et interdire ce qu'il veut ou faire ce qu'il veut. Tandis que lorsqu'on affirme les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous on dit, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait, c'est avec sagesse. Et tous ses jugements et tout ce qu'il a prédestiné, c'est pour une bonne raison, hein, qu'on la comprenne ou qu'on ne la comprenne pas. D'accord, donc, na'am. Les hadiths du messager, sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils ont inventé des règles pour essayer de ne pas justement les accepter, ou justifier de ne pas les accepter. Donc, par exemple, quand ils vont prendre des hadiths, ils vont dire, si c'est des hadiths à propos des croyances, ils vont dire, nous, on n'accepte pas les hadiths, excepté s'ils sont mutawatir. Et mutawatir, ça veut dire que c'est rapporté par un très grand nombre de personnes. Mais si c'est rapporté par un petit nombre, ils vont dire, non, on ne les accepte pas dans la croyance. Hein? Et si c'est un hadith qui est malgré tout mutawatir, et qui parle des attributs, ils vont déformer son sens. Comme le Coran. S'il y a un verset dans le Coran qui affirme une attribut qui va en contradiction avec leur croyance ou leur principe, eh bien, là, ils ne peuvent pas dire que c'est pas mutawatir, parce que c'est dans le Coran. Hein? Et même les hadiths qui sont mutawatir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent pas les rejeter. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans ce cas-là? Ils déforment leur interprétation. Ils changent leur signification. Et il leur donne une signification en accord avec leur passion, sans preuve. Hein? Tous les hadiths qui affirment des attributs ou des actions à Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont en dehors des sept attributs que eux ils affirment, hein, les sept attributs que eux ils affirment, tous celles-là ils les déforment de leur sens. Aynam. Donc c'est ça le danger de cette bid'a, hein, la bid'a de rejeter les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il dit, comment on réfute ça? Comment on réfute qu'est-ce qu'ils disent quand ils parlent de parti, hein, par rapport au parti? Par exemple, ils disent le fait d'affirmer à Allah qu'il a un visage, qu'il a des mains, hein, et ainsi de suite. Ça veut dire, eux ils disent, ah, mais vous affirmez des parties à Allah, hein? Et donc le cheikh il dit, est-ce que vous voulez dire par là que Allah n'a pas de parties, n'a pas de membres, les parties qu'il s'est affirmé lui-même dans le Coran, vous les niez, hein? Vous niez qu'il a deux mains, vous niez qu'il a un visage, hein? Vous niez qu'il a des yeux, et ainsi de suite, alors que Allah subhanahu wa ta'ala l'a affirmé. Et donc le cheikh dit, nous sommes d'accord avec vous sur le fait de ne pas employer ce genre de vocabulaire, ce genre de termes. On ne va pas parler d'Allah en disant qu'il a des parties ou non, hein? On ne va pas utiliser cette expression là parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'a pas lui-même employé cette expression là de même que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas non plus employé. Il n'a pas dit qu'il a des parties et des membres, et il n'a pas nié avoir des parties ou des membres. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on s'abstient de l'employer, de l'utiliser ce genre de terme, parce que ça ne fait pas partie des termes qui ont été employés par Allah subhanahu wa ta'ala dans la révélation. Il dit, toutefois, si il est question d'expliquer, hein, on va dire que, par exemple, le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, on ne va pas dire qu'il a des parties. On ne va pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala, sa main, c'est une partie d'Allah. On ne va pas dire la main, c'est une partie d'Allah. Mais plutôt, on va dire que la main est une de notre partie à nous. Hein? Nous, on a une partie de notre corps, c'est la main. Mais quand on va parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va purifier Allah de mentionner ce genre de terme et de dire qu'il a des parties. Ya yahdikum Allah, ya yarhamukallah. Et il dit لأن ذلك يوهم معنى باطلا. Pourquoi on veut pas l'employer ce terme? Parce que ça implique, ça peut donner l'idée d'une signification qui est fausse. Ça peut donner comme une implication fausse. Hein? Et c'est quoi cette implication là qui est fausse? C'est que on sait que l'un d'entre nous, par exemple, si on perd une partie de nos membres, on peut continuer à vivre encore sans ce membre. Par exemple, si on se coupe une main, on peut continuer à vivre sans cette main. Hein? Donc, le cheikh, il dit, cette signification qui est fausse à propos d'Allah, ce serait yani, l'idée que, comme si on pourrait appliquer ça aussi à Allah, en voulant dire qu'il pourrait avoir sa main qui pourrait exister sans lui, hein? Ou pas sans lui en tout cas. Des implications totalement absurdes et totalement rejetées. Donc ça, on n'a pas le droit de dire ou de penser ou de croire en ce genre d'idée-là vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et on ne trouvera, le cheikh dit, tu ne trouveras pas parmi les salafs aucune parole de ce genre. C'est-à-dire, tu ne vas pas trouver dans la parole des sahaba ou des tabi'in ou des tabi'in et des imams des salafs, aucun d'entre eux qui aurait dit que la main, par exemple, ferait partie d'Allah, ou pas, que ce serait une partie d'Allah ou des choses de ce genre, ou que la main est une de ses parties ou des choses de ce genre. Mais plutôt, on dit, Allah il a une main, Allah il a un visage, Allah il a des yeux, Allah il a une jambe, Allah il a un pied. Hein? Mais tout ça, on dit que ça ne ressemble pas ça ne fait pas partie aux attributs, ça ne ressemble pas aux attributs des créatures. C'est ça qu'on dit. On dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ses attributs. Il a une main, il a un visage, il a des yeux, il a une jambe. Hein? Il a mentionné qu'il a des jambes, des pieds, et ainsi de suite. Ça, il l'a affirmé. C'est mentionné dans le Coran ou dans la Sunna. Mais on va dire que ça ne ressemble pas aux attributs des créatures, aux mains des créatures, et ainsi de suite. Le cheikh dit ensuite, وَقَوْلُهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهِ أي الثواب المشار إليه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه يعني فمن خشي الله عز وجل واتقاه فإن الله تعالى يرضى عنه وسيرضى عن الله تعالى بما يثيبه. Donc le cheikh il dit à la fin du verset, quand Allah il dit ceci, pour celui qui a craint son Seigneur, il veut indiquer par cela la récompense qui est mentionnée dans le verset précédent, c'est-à-dire leur récompense auprès de leur Seigneur sera qu'ils seront dans des jardins d'Éden sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Il est satisfait d'eux, Allah est satisfait d'eux et eux seront satisfaits de lui. Cela pour celui qui a craint son Seigneur. Le cheikh il dit donc, celui qui a craint son Seigneur et qui s'est préservé contre son châtiment, Allah sera satisfait de lui. Hein, Allah est satisfait de lui et lui sera satisfait d'Allah lorsqu'il recevra d'Allah cette récompense. Le cheikh il dit ensuite, ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. Donc le cheikh il explique ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il se met en colère contre celui qui mérite la colère d'Allah parmi les mécréants et autres. Et il cite comme exemple le verset 6 dans Sourate Al-Fath, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ceux qui pensent à propos d'Allah des mauvaises pensées. Hein? C'est yani, ceux qui ont contre Allah des pensées qui sont mauvaises ou qui sont fausses. Alayhim da'iratus saw, le revers de fortune, c'est contre eux que ça va se retourner. وغضب الله عليهم et Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre eux. وغضب الله عليهم et à la suite du verset ولعنهم. Donc, je vais juste trouver le verset en question pour vous lire juste la traduction de l'expression « وَعَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ». Oui, qu'un mauvais sort tombe sur eux. Qu'un mauvais sort tombe sur eux. « عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ». Donc, parce qu'ils ont passé ils ont pensé du mal à propos d'Allah, Allah invoque le mal contre eux. Et le cheikh il explique, il dit وقوله ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم والغضب ضد الرضا فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله موصوف بالغضب على من يستحقه من الكافرين وغير الكافرين وفي دعاء اللعان والخامسة أن غضب الله والخامسة أن غضب الله عليها فالغضب صفة من صفات الله الفعلية أما أهل التعطيل فيقولون إن الغضب لا يوصف به الله لا يوصف الله به لأن الغضب غليان دم القلب والله عز وجل لا يوصف بهذا فنقول نعم الغضب هو غيلان دم القلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فينتفخ الأدواج وثقف الشعور ويحمر الوجه ويحمر الوجه ولكن هذا غضب المخلوق أما غضب الخالق فليس من هذا بل هو غضب يليق بجلاله وعظمته عز وجل. Donc le cheikh dit, donc nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala il se met en colère contre celui qui mérite la colère parmi les mécréants ou autres. Et la colère, c'est le contraire de l'agrément. Et parmi les principes de la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il est décrit par la colère. Et qu'il a la colère contre ceux parmi les mécréants et autres que les mécréants qui méritent cette colère. Et dans le dua pour Al-Li'an, lorsque quelqu'un, par exemple, il a surpris son épouse à faire l'adultère, par exemple, et qu'il n'a pas d'autre témoin que lui-même, alors il va jurer quatre fois qu'il est véridique, et la cinquième fois, il va invoquer la colère d'Allah sur elle. Et donc, le cheikh, il cite ce verset-là dans Surat An-Nur, le verset 9. Puis il dit, ça c'est un exemple de l'attribut de la colère qui fait partie des attributs d'Allah, et ça fait partie des actions, des attributs de l'action. Il dit, en ce qui concerne les gens de la négation, c'est-à-dire ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien eux, ils disent que on ne peut pas attribuer la colère à Allah, parce que ils disent que la colère, c'est le bouillonnement du sang dans le cœur. Et donc, ils disent, à cause de ça, on ne peut pas affirmer ça à Allah. Et le cheikh, il dit, oui, c'est vrai que la colère, c'est le bouillonnement du sang dans le cœur, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est comme un charbon ou une braise que le diable jette dans le cœur du fils d'Adam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. C'est rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi. Et donc, c'est la colère, c'est une braise que le shaitan jette dans le cœur du fils d'Adam, dans le cœur de l'homme. Et ce qui fait que la réflexion elle cesse et le visage devient rouge et yani, la personne elle perd la raison, elle devient fâchée, elle devient en colère. Et ça c'est la colère en ce qui concerne la créature. Mais la colère du créateur n'est pas comme ça. Donc comment tu veux nier la colère que Allah s'est attribué lui-même en te basant sur la colère des créatures? Allez, subhanallah. La colère, quand Allah il dit qu'il est en colère ou qu'il se fâche contre certaines personnes qui le méritent, eh bien, il ne faut pas imaginer que c'est la même colère que la colère des créatures. C'est une colère qui correspond à sa perfection, à sa majesté, à sa grandeur. Donc, il n'y a pas d'imperfections qui sont impliquées dans cette colère-là. C'est une colère parfaite et non comparable à celle des créatures. Ensuite, le cheikh il explique le verset en disant وَقَوْلُهُ أَظَّنِّنَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وغضب الله عليهم هذا وصف لقوله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم والشاهد من هذا قوله وغضب الله عليهم والظن السوء أو ظن السوء بالله أجمع ما قيل فيه أن يظن بالله أو في الله تعالى ما لا يليق به فمن ظن أن الله لا ينصر أولياءه فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أن الله تعالى ناقص في صفاته فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أن الباطل يعلو الحق علوا دائما مستمرا فقد ظن بالله ظن السوء ومن ظن أن الله لا يبعث العباد ويجازيهم فقد ظن به ظن السوء وهلم جرا فظن السوء قاعدته أن يظن بالله ما لا يليق به قال الله تعالى عليهم دائرة السوء أي عليهم يدور السوء أو يدور السوء ويحيط بهم من كل ناحية وغضب الله عليهم. Donc le cheikh il explique que le verset de ceux qui ont pensé du mal à propos d'Allah, le verset au complet c'est et Allah il châtie les hypocrites hommes et femmes et les mushrikines hommes et femmes qui pensent à propos d'Allah des mauvaises pensées et que le mauvais sort retourne contre eux. Hein? Et Allah est en colère et la colère d'Allah est contre eux. Hein? Et qu'est-ce qu'on veut tirer de ce verset-là en particulier ici, c'est le fait qu'Allah mentionne que il est en colère contre eux. Waradiballahu alayhim. Et il dit que le cheikh que de penser du mal à propos d'Allah, qu'est-ce qu'on le plus complet de ce qui a été dit à propos de cette question-là, qu'est-ce que ça signifie de penser du mal d'Allah, c'est de penser des choses à propos d'Allah qui ne lui conviennent pas, de penser à propos d'Allah des choses qui ne conviennent pas à Allah, comme par exemple de penser que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas défendre ou donner la victoire à ses serviteurs rapprochés, ou de penser que Allah subhanahu wa ta'ala a une imperfection ou un défaut dans ses attributs quelconques, hein? Ou de penser que le faux va toujours avoir le dessus sur la vérité de façon permanente, hein? Et que la vérité n'aura jamais le dessus sur le faux. Donc ça fait partie du fait de penser du mal à propos d'Allah, comme les gens qui sont toujours pessimistes à propos de la religion. Ils disent, les musulmans, ils vont toujours rester faibles, ils vont toujours être perdants, ils vont jamais avoir la victoire, les koufars, ils vont toujours rester plus forts que nous, on va toujours rester dans notre situation actuelle, on va jamais devenir meilleur, on va jamais devenir plus fort, on va jamais s'organiser, on va jamais faire ci. Il y a des gens qui ont cette mentalité-là, pessimiste. Ils pensent du mal d'Allah. Ils pensent qu'Allah va laisser les musulmans comme ça tout le temps. Et ça, c'est une des mauvaises pensées. Ça fait partie des mauvaises pensées. Et on n'a pas le droit d'être comme ça. On n'a pas le droit, en tant que musulman, de penser du mal à propos d'Allah. Et de penser qu'Allah va abandonner les croyants. Il ne va pas leur donner la victoire sur les mécréants. Et qu'il ne va pas donner la victoire à la vérité. Et qu'il ne va pas mettre la vérité au-dessus du faux. De penser comme ça, c'est haram. Hein? Ça fait partie des kaba'ir. Et donc ici le cheikh il explique, il dit c'est de penser du mal, ou bien de penser que Allah il va pas ressusciter ses serviteurs pour récompenser les croyants. Hein? Donc toutes ces choses là font partie des mauvaises pensées. Et la règle à propos de la mauvaise pensée que quelqu'un peut avoir à propos d'Allah, c'est de penser à propos d'Allah quelque chose qui n'est pas convenable, et que le mal retombe sur eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit que le mal retombe sur eux de tous les côtés et les cerne complètement. Hein? Allah, c'est comme s'il invoque contre eux qu'ils soient entourés du mal et cernés par le mal de tous les côtés. Et que la colère d'Allah soit sur eux. Allah est en colère contre eux. Ensuite, le cheikh, il donne un autre exemple, un autre verset à ce sujet-là. c'est le verset lorsqu'il dit walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim. Na'am. Donc le cheikh il dit wa qawluhu walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim. لكن استدراك مما سبق في قوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن فنحن نؤمن بالغضب ويفسر أهل التعطيل الغضب بالانتقام أو إرادة الانتقام ولكن يقال لهم إن هذا غلط يكذبه القرآن قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا بمعنى أغضبونا انتقمنا منهم فجعل الانتقام نتيجة الغضب. ومعلوم أن الشرط والجزاء ومعلوم أن الشرط والجزاء يختلفان. فالشرط فلما آسفونا والجزاء انتقمنا منهم فهما شيئان متغيران. فالقرآن يكذب قولهم إن الغضب هو الانتقام وكذلك أيضا إرادة الانتقام ليست هي الغضب، لأن الغاضب يغضب أولا ثم يريد أن ينتقم ثانيا ثم ينتقم ثالثا، ولكن نفيهم للغضب الحقيقي مبني على الدليل الوهمي الذي سموه عقليا. Donc, pour traduire ici, le cheikh il a cité le verset qui est le verset 106 dans Sourate An-Nahl. Et on va lire ensemble la signification de ce verset-là. Le cheikh il explique que le verset au complet qui signifie « Quiconque a renié Allah, il a renié la foi en Allah après avoir cru. » Donc quelqu'un qui a rejeté la foi. Sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi. Donc, ça veut dire que si quelqu'un, il a été forcé à dire des paroles de mécréance ou à faire quelque chose qui est kufr, lui, il est excusé. Mais celui qui a renié la foi sans qu'il ait été contraint, c'est pour ça que Allah il dit à la suite, mais il dit ce qui signifie, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et un châtiment terrible. Donc c'est pour dire que ceux qui ont renié la foi en Allah de façon volontaire et délibérément, eux, ils auront une colère d'Allah. Excepté ceux qui ont été contraints à dire une parole de kufr ou à faire quelque chose qui est kufr, ceux-là sont excusés si leur cœur était plein de foi à ce moment-là. Le cheikh il dit ici, donc nous devons croire en l'attribut de la colère et que Allah il se met en colère et que ça fait partie de ses attributs. Toutefois, les gens de la déformation et de la négation, parmi les gens de bid'a, les jahmiyyah, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiya, ces gens de Kalam, de façon générale, eux, ils nient cet attribut-là, et les autres aussi. Ils disent, non, on ne croit pas que Allah, il se met en colère. Mais plutôt, la colère, on dit que c'est la vengeance. Ou le fait de vouloir se venger. Et le Cheikh, il dit, mais ça, c'est une erreur. Le Cheikh, il dit, et ça, c'est démenti par le Coran. Qu'est-ce qu'il prétend? C'est démenti par le Coran. Puisque Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 55, dans Surat Az-Zukhruf, et lorsqu'ils nous ont mis en colère, nous nous sommes vengés d'eux. Donc, il dit ici, asafuna, falamma asafuna, intaqamna minhum. Donc, il dit, c'est lorsque Allah a été en colère qu'il s'est vengé d'eux. Et donc, il dit ici que, La vengeance, c'est le résultat de la colère, c'est pas la colère elle-même. La vengeance, c'est le résultat de la colère et non la colère elle-même. Et donc ça, c'est la preuve que la colère et la vengeance sont deux choses différentes. Donc tu ne peux pas interpréter la colère en disant que c'est la vengeance ou le fait de vouloir se venger. Hein? Donc on voit clairement dans ce verset-là que la colère et la vengeance sont deux choses séparées. Donc ça vient en contradiction avec ce qu'ils prétendent. De même que la colère n'est pas le fait de vouloir se venger non plus. Puisque la personne, lorsqu'elle se met en colère en premier, ensuite elle veut se venger, puis troisièmement elle se venge. Hein? Donc de vouloir nier l'attribut de la colère, yani, c'est pas supporté par aucune preuve. Excepté ce qu'ils prétendent eux comme étant les preuves rationnelles, comme on dit, soi-disant rationnelles. On dit ça, c'est pas des preuves rationnelles, puisque il y a rien de rationnel là-dedans. Hein? Et ça contredit les preuves du Coran et de la Sunna. Donc c'est rejeter votre excuse ou votre prétexte. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, je pense, puis on continuera le prochain cours, la suite de ces explications-là, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.